Rive secrète, inspirée d'un poème anonyme du XVIIe siècle. Au bord d'une rivière, sur la berge tout en verdure, une belle, innocente et vierge, se déshabillait, montrant à la nature silencieuse sa peau nue couleur lait, vision éclatante d'une beauté sans parure. Rive, ô rive secrète, dit-elle en un timide sanglot. Je viens m'abandonner en tes flots pour y noyer mes flammes indiscrètes. Ainsi, craintive, elle entre dans l'onde des flots argentins, couvrant d'une main ses jeunes tétins et de l'autre le bas de son ventre. Alors qu'elle s'immerge jusqu'à la ceinture, l'onde bruit, s'élève plus haut et, comme éteignant un fer trop chaud, s'enfle et bouillonne en un murmure. L'eau entre ses cuisses soudain s'engouffre et en devient si chaude, ainsi que celle d'un volcan qui surgirait ici, après être passé dans le soufre. Les tritons font bientôt la fête de voir tant de charme à nu, et chacun d'eux devient cornu par un autre endroit que la tête. La belle alors se propose qu'il faut à son désir nouveau quelque chose d'autre que de l'eau, ou de l'eau de quelque autre chose. Comprenant l'ampleur de ses ardeurs nouvelles, dans son ventre s'ouvrant, elle plonge ses doigts vivement, et l'eau bouillonne de plus belle.